une conférence québécoise. Fantastique. Donc, le titre de la conférence de ce soir, Comment cesser de mourir, pour interviewer Daniel Kahn. Les trois intervieweurs qui sont ici. Donc, je me présente, Charles Villeneuve, courtier en valeur mobilière à la Bourse. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique, homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lassert, policier et homme d'affaires. Et buenas tardes. La première question, comment cesser de mourir? Moi, j'en avais une qui commençait à l'envers. Je dis que la mort était un manque de savoir-vivre. Est-ce qu'on est vivant? Ben justement, non. Bon. On n'est pas vivant fort. Il y a de la vie quelque part. Et l'être humain est un être mort. Maintenant, évidemment, il faut qu'on définisse la mort. Mais à quel, autre chose qu'un manque mais à quel niveau veux-tu parler de la mort? Ah, moi, je ne veux pas en parler. OK. De quelle sorte de mort veux-tu parler? La mort, la mort physique ou la mort... on peut parler psychologiquement, quelqu'un qui meurt à lui-même ou bien non? Ben tiens, on va commencer par parler de la mort physique. Bon. Ça, c'est le domaine que Doit-on cesser de mourir physiquement? C'est une bonne chose. Premièrement, est-ce possible? Oui. Pardon. Tout est possible. Mais dans une autre façon de répondre, là, est-ce que c'est possible? Bon, est-ce que c'est important de conserver le corps physique? Quand on déjà que la majorité des gens sur la planète détestent leur corps à mourir, ils se demandent si c'est important de conserver son corps physique éternellement. Ouais, mais peut-être. Donc, moi, j'opte pour le changement de temps. Oui, mais peut-être on le déteste justement parce qu'il est chronométré pour décéder. S'il serait fait autrement, peut-être qu'on l'apprécierait bon. Plus. À un moment donné, il y a un personnage intéressant qui a pris une cellule sur un poulet et puis il l'a mis dans un milieu de culture particulier. Et puis, 35 ans après, les cellules continuaient à se multiplier. Évidemment, il les nettoyait pour éliminer les excréments des cellules, parce qu'une cellule avec les mitochondries, puis etc., ça a des excréments. Mais, et puis 35 ans après, 32 ans après, il y a un incendie qui a mis le feu à son laboratoire, s'est arrêté. Les cellules à l'extérieur du poulet vivent apparemment éternellement, c'est-à-dire que la cellule mère se divise en deux cellules filles qui deviennent deux cellules mères identiques. Si elles sont identiques, c'est qu'elles sont les deux aussi jeunes que la matrice. Donc, 300 000 ans après, les cellules sont toujours aussi jeunes que la matrice. Et c'est ce qui arrive avec l'être humain. À l'époque de l'homme des cavernes, les personnes ont, à un moment donné, rejeté des cellules, spermatozoïdes et ovules, et de corps jeunes en corps vieillissant, on a eu des enfants, puis à travers près de, quoi, disons 120 millions d'années, un peu moins, 35 millions d'années, disons, pour résumer, l'être humain aujourd'hui a de la vie avec des cellules qui sont tributaires de l'historicité du passé. Ça veut dire qu'une femme qui est relativement âgée physiquement, un homme qui est relativement âgé physiquement, s'ils ont ensemble un bébé, le bébé flambant neuf. Bon, le bébé n'est pas vieux. Des fois, ça... Donc, en tout cas, mais si vous le laissez le temps de sécher, là, puis le laissez friper, puis les bébés, ils rajeunissent vite. Bon. La cellule elle-même, elle a apparemment de l'immortalité. Sauf qu'une cellule dans un corps complexe, un corps pluricellulaire comme le tien entre autres, bien, il y a quelque chose quelque part qui fait en sorte à un moment donné qu'elle n'en peut plus. C'est l'association entre les cellules qui ne tient pas, c'est pas la cellule elle-même? La cellule elle-même, à un moment donné, commence à s'oxyder, c'est-à-dire qu'elle meurt, parce que l'oxygène, bien qu'on pense en avoir besoin, l'oxygène c'est un comburant. C'est l'hydrogène qui est le carburant du corps physique, puis l'oxygène nous permet la combustion de l'hydrogène. Par contre, l'oxygène oxyde, ça veut dire qu'il rouille. Alors, il va oxyder différents mécanismes au niveau des cellules, et ça, nécessairement, ça va faire en sorte que les cellules auront de la difficulté à se séparer et à se rappeler d'elles-mêmes. Quand elles sont en dehors du corps, il n'y a pas ce principe-là. Il y a de l'oxygène ici, mais on n'aura pas la même, c'est ça. Il y a des choses particulières qui se produisent dans un corps. Les végétaux ont tendance à mourir. Est-ce qu'ils sont psychologiquement trop stressés? Est-ce que les séquoias ou les peines que l'on vit le seraient un peu moins? Il y a certaines formes de tortues, je ne nommerai pas leur nom latin, mais apparemment, ils ne sont pas trop stressés. Ils fonctionnent à la vitesse d'une tortue, mais ils vivent quelques milliers d'années. Alors qu'on a des insectes, c'est l'éphémère, qui naissent dans la journée, qui meurent avant même de se rendre compte qu'ils sont venus au monde. Il y a quelque chose qui fait en sorte, effectivement, dans le corps physique, dans les corps pluricellulaires, qui leur dit qu'à un moment donné, écoute, mon vieux, ma vieille, décolle. Au niveau cérébral, les corps, on parle des mammifères, on parle de l'homme et de la femme, puis c'est similaire au niveau de la création, mais il y a des différences marquées. L'homme et la femme sécrètent des hormones, et les hormones, par exemple, de la femme, sont stockées au niveau de son cerveau. Entre autres, les hormones qui vont être sécrétées à l'époque de l'ovulation. Il y a les muscles, évidemment, puis la graisse qui en ramasse plein. Alors, quand on suit un jeûne, bien, on libère des hormones dans le corps, puis on se sent tout chaude, puis on se demande ce qui se passe. La femme, elle, à chaque ovulation, elle va émettre certaines formes d'hormones, et c'est stocké au niveau cérébral, puis quand la partie qui stocke ces hormones-là est pleine, bien, automatiquement, la femme est éliminée de la surface de la planète, c'est-à-dire qu'on considère, quelque part, quelqu'un ou quelque chose considère que madame n'est plus utilisable. La dame, elle a suffisamment d'ovules pour être fertile pendant 200-300 ans, sauf qu'après 40-50 ans, quelque chose, quelque part, lui dit, fini, t'ovule plus, c'est la ménopause. La ménopause fait en sorte qu'il y a un changement endocrinien. L'homme s'exprime par le système endocrinien, donc la femme ne se reconnaît pas trop à un moment donné. Et normalement, la femme devrait être éliminée de la surface de la planète Terre dans les 2, 3, 4, 5 années qui suivent. Mais étant donné qu'on est dans une société capable de prolonger la vie, ça l'aide. Le mâle, lui, il va avoir aussi ses menstruations, mais souvent les mâles les ont quotidiennement. Bon, en tout cas, ça n'est pas les mâles, là. Mais lui aussi, gaspille. Bon, il y aura des choses qui vont se faire comme ça. Et en fonction de sa vie sexuelle, donc en fonction de sa capacité de reproducteur, bien, à un moment donné, la nature, quelque part, quelqu'un considère encore une fois que tu es éliminé. Ça veut dire qu'on est jeune pendant un laps de temps, puis subitement, paf, le vieillissement arrive. Là, ça s'accélère. La femme à la ménopause, normalement, voit son vieillissement corporel accéléré, puis l'homme, il y a oui, nécessairement l'andropause, mais il y a d'autres mécanismes. Ça, c'est une des choses, c'est que il y a une synchronicité, il y a un chronomètre dans le corps physique des individus qui suit le débattement de l'individu, exactement comme à la préadolescence, l'enfant, c'est un enfant. Paf, à un moment donné, il y a une mutation complète, rapide, puis là, il va rester stable pendant un laps de temps pour se multiplier ou s'additionner, parce qu'aujourd'hui, on ne multiplie plus, on additionne. Bon. Et puis, à un moment donné, ben, il part, ça c'est autre chose, il part et il vieillit. Deuxième facteur de vieillissement, la nature a signé l'arrêt de mort des corps complexes dès leur naissance. Par contre, l'avantage qu'il y a nécessairement, c'est que ça permet à ce qui habite les corps de pouvoir de temps en temps changer d'enveloppe pour avoir des enveloppes plus confortables. On peut spiritualiser la mort. Ça, je ne veux pas qu'on spiritualise la mort, parce que l'homme... L'être humain a l'habitude de spiritualiser, ça veut dire qu'il va éliminer les dissonances cognitives qui l'habitent, c'est-à-dire que quand il est pris en deux connaissances, il souffre, alors il va éliminer une des connaissances ou il va les fondre ensemble en créant de l'ignorance. Il va inventer des théories scientifiques, théories morales ou théologiques. La problématique, c'est qu'on peut facilement dire que c'est beau la mort, parce que quand tu n'auras le bol d'avoir vécu, puis tu sais, les religions en ont mis plein aussi, puis les organismes ésotériques en ont mis aussi. C'est dommage que l'être humain ait à passer par le facteur de la mort. Maintenant, ça crée chez l'être humain qui n'est pas dirigé par de l'intelligence, il y a une obligation de mourir pour un paquet de raisons. Un, pour être capable de mélanger son expérience psychologique dans le monde de la mort de façon à réincarner des individus qui vont être plus puissants et différents. Et c'est aussi pour éliminer les égos qui ont tendance à trop grossir. Imaginez Adolf Hitler immortel. Et c'est pour éliminer, bon, il y a toute une série, là, c'est long à expliquer, mais il y a toute une série de raisons, oh, mais ces raisons-là... qui vont faire, mais... ça ne nous regarde plus, qui vont faire que chez l'animal humain, comme j'en parle souvent, chez celui qui vit d'une façon grégaire, chez celui qui est dirigé par son système endocrinien, chez celui qui, finalement, vit de la tradition, c'est-à-dire qu'on a toujours été comme ça, fait qu'on commence. Oui, mais s'améliorer de réincarnation en réincarnation, si ça ne change rien, tu peux t'améliorer de ton vivant quand en même. En réalité, on ne s'améliore pas de réincarnation en réincarnation. Ben, changer de bord. Mais tu as un corps physique plus solide, résultat de la génétique. Parce qu'il est plus solide, il va résister plus longtemps aux attaques du système endocrinien, donc aux expressions de la psychologie humaine, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir la capacité de le rendre de plus en plus solide jusqu'au jour où il y aura un contact avec ton intelligence. Parce que l'être humain qui subitement devient intelligent dans le monde actuel, s'il n'y a pas un corps solide, il va avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui en ont eu dans le passé. Juste avoir quelqu'un d'intelligent, il y en a qui ont des problèmes. Ce qui m'a fait de quoi, c'est de devenir intelligent eux-mêmes. Bon. Alors, est-ce que l'énergie de l'intelligence pourrait détruire le corps physique? Oui, pur, là. Quelqu'un qui aurait vraiment... Oui, le processus est complexe à expliquer à travers l'ajusteur de pensée, l'ajusteur psychologique, l'intellect, par exemple. Il va y avoir un paquet de choses qui vont se passer, puis là, il va y avoir une expression de l'âme, du reste de l'âme. Il va y avoir une expression de l'expérience humaine à travers le corps physique qui va détruire le corps, le rendre malade, ou encore simplement le rendre non fonctionnel psychologiquement dans notre monde, ou simplement l'amener carrément au suicide. On doit comprendre autre chose, c'est qu'il y a des bombes à retardement à travers le corps humain. C'est génial comment ça a été fait. Si j'arrêtais là, moi, j'aurais claqué les fesses un peu. Mais il y a des bombes. Ça veut dire quoi, ces bombes-là? Ça veut dire que la majorité des gens, par exemple, disons dans la salle ici, vous avez ces petites bombes. Une des bombes peut être problème cardiaque. Alors, à 12 ans, vous n'en avez pas. Mais génétiquement, c'est inscrit. Mais quand est-ce que ça va se déclencher? Ah! Ça va se déclencher quand il va y avoir des interactions entre les mémoires de tes parents qui ont été cardiaques ou des grands-parents à un certain âge particulier. Ça vient rentrer chez toi. Puis ça, par expérience, ça va transformer ton corps de façon à se sentir à l'aise dedans. Ça va déclencher des mécaniques, des bombes, pour ajuster le corps à ce qu'ils étaient. Tes parents étaient cardiaques, tu as des chances d'être cardiaque. Ils ont été cardiaques à 60 ans, tu ne seras probablement pas à 20 ans. Pourquoi? Parce que le chronomètre va être déclenché par des facteurs de réincarnation. Je rappelle que ça se réincarne chez nous 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Puis à un moment donné, ça va le déclencher. L'âme de ces parents-là, elle veut revivre la même expérience. Elle n'évolue pas là-dedans. Si elle vient revivre le même phénomène de réenclencher une crise cardiaque ou un problème cardiaque non. À 60 ans, il semble que ça démontre qu'il n'y a pas d'intention d'évoluer du côté de l'âme. Bon, l'âme, c'est une des rares choses chez l'humain qui n'évolue pas du tout. Donc, nécessairement, l'âme n'a pas l'intention d'évoluer. L'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est de l'expérience. Ça veut dire que l'âme, ça peut se réincarner, mais de l'âme, c'est de l'expérience. Autrement dit, si à un moment donné, Siddhartha Gautama, bon, le Bouddha est passé, puis il a instruit l'homme, il a instruit la femme. Après ça, c'est le Nazaréen qui passe, il instruit encore. Puis on en a eu un paquet d'instructeurs à travers l'humanité, des gens assez extraordinaires qui sont venus instruire l'humain. Puis finalement, les Romains souffraient des mêmes maladies psychologiques, de l'ennui, de l'angoisse, de la peur, etc., que les Américains, qui sont les Romains. L'âme n'a pas changé. Par contre, notre mental a été développé par-dessus l'âme. Nous voyons différemment. Nous devenons progressivement conscients, ce qui va engendrer des visions écologiques, parce qu'il est seulement à l'être conscient qui peut être écologique. Par contre, l'âme va mémoriser qu'il faut être écologique, parce que quand il pleut des pluies acides, ça use le monument qu'on a fait en ton nom. Bon. Alors, tu ne veux pas user le monument de marbre, et là, tu vas apprendre qu'il faut cesser de. L'âme apprend. Mais l'âme, même si elle a appris, par exemple, on vous dit souvent, écoute, là, cesse d'être malheureux, là, tu ne sais pas ce qui va arriver, là, fait que relax donc. Tu le sais. Maintenant, relax, ça, c'est autre chose. L'âme vit toujours les mêmes processus. Bon. Chez l'être en transition vers l'être conscient, l'être nouveau, à un moment donné, l'âme vit toujours les mêmes processus, sauf que ça ne vient pas influencer la capacité d'intelligence de l'humain. Donc, par exemple, moi, j'ai des émotions, je suis capable d'aimer, je suis pas capable d'haïr, ça se donne. Mais je suis capable d'aimer, sauf que je ne peux pas être coloré par l'affection que j'aurai pour certaines personnes ou pour des événements ou pour la vie ou des choses comme ça. Je ne peux pas être coloré. Autrement dit, je ne m'ennuie jamais, mais je suis content que tu sois là. Bon. Ça, c'est une chose. Ce qu'il faut comprendre, comme le sida, puis comme la tuberculose, puis comme un paquet de maladies et caractéristiques karmiques, quand l'humain atteint un certain taux vibratoire au niveau planétaire, il y a des maladies qui se déclenchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aurez réglé la tuberculose, on va vous donner telle autre maladie. Quand vous l'aurez réglé, vous allez être rendu suffisamment intelligent planétairement, on va vous donner une autre maladie. Un autre. Ça fait partie des processus anti-maturation de l'humain, puis il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a un plan qui a été fait pour enclencher ces maladies-là à certaines étapes du développement de l'intelligence, ou c'est accidentel? Accidentel, je ne trouverais pas. Je vais juste répondre brièvement, parce que c'est ça sera trop long, on s'échappera un peu du sujet. Tout est harmonie. L'harmonie, ça veut dire qu'il y a une guerre majeure, puis qu'il y a autant de personnes qui se font tuer sur le champ de bataille qu'il y a de nouveaux-nés qui apparaissent. C'est ça l'harmonie que l'humain connaît. Ça veut dire que la forêt est harmonieuse, parce que les loups sont capables de tuer suffisamment de chevreuils, puis quand il n'y a pas assez de chevreuils, les loups meurent de faim, puis quand les loups meurent de faim, les chevreuils ont la paix, puis comme les chevreuils ont la paix, les loups peuvent en tuer plus, puis bon, c'est l'harmonie. C'est l'harmonie. Alors, présentement, on peut considérer que le contexte planétaire, qui est un contexte prédatorial, est un contexte harmonieux. Donc, nécessairement, c'est prévu que l'être humain va être anéanti sans arrêt pour un paquet d'autres mécaniques, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui s'intéressent énormément à l'humano-coïncidence génétique, c'est-à-dire à créer des mélanges génétiques entre la race humaine et la leur pour parvenir, en tout cas, à évoluer un peu plus lentement. Il y a effectivement... Bon, quand on parle d'harmonie, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple du Big Bang, disons. Les univers, ils s'ancrent de temps en temps. On parlait du Big Bang. Alors, au début, c'est assez fou, puis à un moment donné, on va dire les molécules. Là, je vais simplifier énormément parce que c'est autre chose, les particules subatomiques, etc. Les molécules se promènent dans tout partout, puis ça s'en va, c'est vraiment la folie furieuse. Il y a des molécules, c'est des atomes, disons des particules qui sont virtuelles, qui apparaissent, qui disparaissent, etc. Puis à un moment donné, ben là, ça va s'équilibrer, c'est-à-dire qu'il y en apparaît autant qu'il en disparaît, puis à un moment donné, ça va finir par se stabiliser. Ça veut dire que là, on a atteint l'harmonie. C'est toujours en guerre. Mais il n'y a plus de changement. Puis l'être humain est un être mort. Pourquoi? Parce que c'est une créature du temps, puis une créature de la mémoire. Ça veut dire qu'à l'instant où il n'y a apparemment plus de changement, la stabilité, l'humain est bien. Alors que l'être humain doit toujours être en équilibre instable, c'est-à-dire être capable de ne jamais vivre la stabilité. Puis quand je parle de ne pas vivre la stabilité, j'explique souvent aux séminaristes, par exemple, quand une personne marche, elle n'est jamais stable. Mais elle est stable, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas. Mais elle est en équilibre instable, c'est-à-dire que son équilibre est toujours en déplacement. Et parce que l'être humain est capable d'être à l'intérieur de sa démarche, le corps ne tombe pas. C'est comme ça que l'humain doit avancer. Les théologies amènent l'humain à la stabilité. La science amène l'humain à la stabilité. La politique amène l'humain à la stabilité, c'est-à-dire qu'on vise une forme d'entropie, on vise une harmonie. Bon. Puis nécessairement, dans les structures créationnelles planétaires, l'harmonie est visée. Puis l'humain a tendance à grossir un peu trop, donc nécessairement, il va à l'encontre de l'harmonie. Une harmonie, c'est un mouvement. C'est-à-dire, un mouvement peut faire partie d'une harmonie. Oui. Pour avoir l'harmonie, on n'a pas besoin d'être tout mort. Non. Non, c'est ça. Donc, le corps physique est très hypothéqué. Là, je ne parlais pas des accidents, puis des meurtres, puis etc., mais le corps physique est très hypothéqué. Hypothéqué de quoi? Hypothéqué, c'est-à-dire qu'il y a des mines à l'intérieur pour le faire sauter. Génétiquement, il y a des chronomètres pour l'envoyer promener. Et bref, normalement, un corps physique qui vient au monde est un corps qui est déjà amené à mourir. Bon, ça, c'est ce qu'on peut constater. C'est ça qui est l'homme. L'humain est comme ça. Fait que j'essaie de voir comment tu dis que tout est possible. C'est possible de cesser de mourir. Mais là, on peut constater que c'est pas possible. Mais non, là, je t'ai expliqué ce qui arrivait. Mais tu disais que c'était utile, que pour différentes raisons, donc qu'il n'y ait pas des trop gros égaux dans le cas d'Hitler. Bon, et puis, dans le cas qu'il n'y a pas d'intelligence, mais une fois que l'intelligence touche à l'humain, il pourrait... Le vivre, lui, là, bon, oui. Quand l'intelligence touche à l'humain, les autres, par exemple. OK. Bon. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, chez l'humain, va être arrêté les chronomètres? Va être désamorcé les mines, que le corps va cesser de vieillir, que les cellules vont cesser de se détester. Une chose importante, c'est que parce que l'être humain est capable de cellulariser sa conscientisation, je dis souvent que l'humain évolue, donc il y a des adaptations à un contexte, l'évolution darwinienne, l'humain va évoluer, l'âme, elle apprend, l'âme, elle devient sage, l'humain évolue, puis à un moment donné, l'humain cesse d'évoluer parce que commence lentement sa conscientisation. Bon, alors, quand l'humain commence à cesser son évolution, la conscientisation commence, l'humain va donc être confronté à des chocs, des prises de conscience, puis savoir nous ce que c'est ça, puis je me suis fait fourrer là-bas, puis ça n'a pas de maudit bon sens ça. Là, il commence à vivre des prises de conscience, c'est-à-dire qu'il commence à devenir intelligent, en ce sens qu'il n'est plus intellectuant, c'est-à-dire, au lieu d'être attaché à de l'intelligence passive, qui va être l'intellect, qui va être la mémoire, qui va être le jeu de l'âme, l'expérience, l'humain commence à être relié à un savoir instantané, à l'intelligence supramentale, à de l'intelligence active, qui n'est pas déterminé par la connaissance humaine. Bon, l'humain va donc avoir des prises de conscience, il vit des chocs, des petites initiations. C'est des initiés. L'initiation, c'est un peu plus ignitiaise que ça. Bon, là, ce qui va arriver, c'est que l'humain qui commence à vivre de la conscientisation devient intelligent, devenant intelligent par résultat très secondaire, progressivement, il y a certaines mécaniques qui font vieillir le corps physique, qui vont être arrêtées. Ça se fait inconsciemment chez lui, c'est parce que l'intelligence... Non, ça va se faire consciemment, mais ça ne se fera pas volontairement. OK. C'est-à-dire que... Quand tu as 250 ans, puis tu es encore là, tu es conscient aussi que tu gagnes pas. Si tu t'en aperçois, d'accord. C'est tout... C'est conscient. tu t'en rends compte. Oui. Mais tu n'as rien fait. Ça se produit chez toi, ça se produit. Maintenant, le début du jeu, c'est qu'un jour, tu te regardes, puis il me semble que tu n'es pas si vieux que ça. Puis deux semaines après, tu te regardes, tu n'as pas ce qui m'arrive. Tu es bien vieux. Puis après, tu te regardes, il me semble que... Bon, ça, il y a un début de jeu. Pourquoi? Parce que l'être humain commence à se vibrer autrement que par le visuel, par l'onde de forme de son corps. Mais la question fondamentale, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est important, disons, pour la spiritualité? Est-ce que c'est important de maintenir nos corps en vie? Chaque fois que tu remets, si tu n'es pas rendu à un point X de ta conscience pour être assez individualisé, ben, tu recommences toutes les point désillusions. Non, c'est le point Z. Le point X passe encore. Au point Z. À la fin de ce... Bon, la fin, je ne sais pas ce que c'est la fin, mais un point intéressant. Au point final. Et puis, ça veut dire qu'il faut que tu recommences à chaque fois. Non. Ça, c'est des théories intéressantes, mais c'est pas vrai. Là, l'âme s'amuse comme ça dans les cycles, dans les routes, quand ça se passe. Mais en termes de conscientisation, je ne parle pas d'évolution, je parle de conscientisation. Ah, même pas. Où tu es rendu, même si ton corps meurt, tu restes conscient de ça puis tu ne recommences pas. Tu ne recommences pas à réapprendre du début ou à te reconscientiser. Ouais, oui, mais il y a des étapes. Parce que c'est oui et non. Peut-être. Enfin. Fait que vous savez quoi voter. Tout est possible de toute façon, c'est pas un problème. Oui et non, peut-être. Bon, quand l'être humain meurt, il se passe quoi? Je vais vous dessiner des petites choses ici, ça va être plus... On va dessiner ici la planète Terre, vous voyez un petit peu. Alors, on va dessiner ici un plan qui s'appelle le plan moronciel. Dans l'ancienne étymologie, c'est le plan éthérique. Bon. On va dessiner ici le plan qui s'appelle le ciel, qui est aussi le monde astral, qui est le monde de la mort. C'est là que vont les âmes à leur mort. Puis en haut, d'autres choses. En haut, c'est les cieux. C'est le ciel. Bon. Lorsque l'être humain a tendance à abandonner son corps, ou lorsque le corps en aura le bol, donc lorsque la personne meurt, l'âme gagne le plan moronciel avec une enveloppe, le périsprit, qui est une enveloppe d'énergie qui fait en sorte que vos âmes ne se mêlent pas toutes les unes à côté des autres, mais vous allez vous influencer. Bon. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est que le corps est ici, disons que c'est une électrocution. Vous vous électrocutez, essayez pas ça, mais je vous donne un exemple. Et puis, vous êtes électrocuté, vous êtes en arrêt cardio-respiratoire ou en arrêt cérébral. Vous avez votre âme décolle, vous pouvez voir l'équipe d'urgence arriver, vous pouvez voir plein de choses, vous êtes dans le plan moronciel. C'est un plan intéressant. Si on vous réanime, vous allez revenir. Dans le plan moronciel, il y a des lumières qui vont venir. On va essayer de vous indiquer que vous devez vous en aller dans le ciel, hein, dans le monde de la mort, dans l'astral. Au paradis. C'est ça, au paradis. Bon. Mais de toute façon, l'enfer, c'est quand tu rentres conscient au paradis. Hein? Ça, c'est l'enfer. C'est ça que n'a rien vécu, une descente aux enfers. Bon. Alors, il y a de l'illusion en masse, en masse, en masse. Un être conscient qui commence à se réveiller dans l'illusion, s'il n'est pas capable de vivre sérieusement sans se prendre au sérieux, donc s'il se prend au sérieux à travers sa conscientisation, il n'est pas fini de souffrir. Un martyr, un MTL, un martyr de la transition. Oh, mais là, en tout cas, c'est... Mais je continue. C'est pas rassurant, en tout cas, ce que tu dis là. C'est pas rassurant parce que... Toi, il n'y a pas de danger. De toute façon, tu n'iras pas au paradis. Fait que... Ton chemin, il est fait. Tu rentreras les yeux fermés, tu essaieras ça, pas de corps physique, rentrer les yeux fermés. Mais, bon, tu sauvé. Avec tout ce que tu as fait. Si l'âme, donc, est ici, avec des principes, il y a l'ego dedans ici, qui est l'identification suprême du moi, mais il y a d'autres choses à travers l'âme ici, puis il y a des petits phénomènes qu'on pourra peut-être parler, mais ce que je vais vous expliquer, c'est qu'un être humain dont le corps physique est mort n'est pas mort. Quand le Nazaréen, à un moment donné, a expliqué à un de ses amis, d'ailleurs le seul ami qu'il avait à l'époque, ben, il y avait Judas qui était un de ses chums, mais son ami, Lazare, quand il lui a expliqué comment rentrer justement dans le monde de la mort et de la conscience, le corps physique de Lazare est mort. Pourquoi? Parce que l'âme a quitté le corps physique trop longtemps. Les gens sont venus le voir pour lui dire que ton chum est bien malade, là, parce qu'il ne bouge pas fort, il vient de guérir. Là, le Nazaréen est allé manger au restaurant, puis deux, trois jours après, il est arrivé où ce qui était Lazare, puis c'est la première fois qu'il prend tant de temps pour aller sauver quelqu'un, puis ça, c'était son meilleur ami, son ami. Et là, quand les gens lui disent « il est mort », il dit « non, non, il dort ». Puis les gens lui ont dit « écoute, s'il dort, il dort fort parce qu'il pue ». Alors, là, le Nazaréen a dit « non, non, faites-vous-en pas », puis là, le Nazaréen a simplement ramené l'âme dans le corps physique, ce qui a restauré le corps physique. Évidemment, il boutait un peu au départ, tu sais, c'est dans la petite lignée, en tout cas. Dans le gosier. Mais, ce qui est important de comprendre, donc, c'est qu'à la mort du corps physique, l'homme, l'être humain n'est pas mort. Mais quand l'âme pénètre le monde astral, le monde de la mort, le ciel, il y a une partie purgatorielle là-dedans, là, il meurt. Le Nazaréen est venu pour ouvrir les portes du ciel. Oui, pas pour qu'on y entre, pour qu'on puisse en sortir. Bon, mais ça fait partie des choses, évidemment, l'humain agisse en fonction de ce qu'il connaissait à l'époque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le corps physique meurt, l'être humain n'est pas mort. Et moi, quand ce qui m'intéresse chez l'humain actuellement, c'est pas de préserver son corps physique. Ça, c'est une chose, il peut amener son corps à sa mort. Il y a des choses que certaines personnes ont déjà fait dans le passé. Mais ce qui est important surtout, c'est justement de ne pas être mort. À sa mort. Alors, c'est comme conscience. Conscient. Bon, mais c'est sûr, ça je disais, là, c'est que... Oui. Mais c'est pas si, si on meurt pas à la mort, finalement, c'est qu'on rentre là conscient, c'est-à-dire les yeux ouverts. Tu ne rentreras pas dans le monde astral. Donc, tu ne rentreras pas dans le monde de la mort. Tu passes tout droit. Mais tu vas où? Bon. Sauver les étapes, vous autres, là, ça va bien. Je ne sais pas si vous suivez, là. Ben, OK. C'est une grosse Cadillac rose, tu t'attends. Bon, on va parler de la mort dans le corps de chair. Ça va vous faire comprendre ce que c'est que la conscience. D'accord? Bon. C'est sûr que vous avez déjà fait des expériences pratiques, là, mais c'est très, très, très, très simple. Je peux prendre quelqu'un dans la salle ici pour vous montrer comment il est mort. Mais là, évidemment, les gens se sentent tout pognés, les égaux, ils ont bien peur là-dedans. Bon, François, quel âge as-tu? 35. Bon, vous voyez, il est allé réfléchir pour se rappeler son âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que François, dans l'instantanéité, n'étant pas suffisamment vivant, est obligé, en plus d'abdiquer totalement au peu de vie qu'il habite, mourir, aller voir dans la mémoire, donc il n'est plus dans la vie, et là, il est dans la mémoire, dans les photos, là, il va voir dans la mémoire, puis là, il revient me disant, j'ai 35 ans. Exemple encore, on va dire à quelqu'un, qui es-tu? Ah, moi, je suis pilote. Et c'est ça. Son passé est ce qu'il est. De ce fait, si tu changes par processus du miracle, tu n'acceptes pas, personne ne va l'accepter, parce qu'écoute, voyons, c'est... Non, il faut que tu restes harmonieux, stable. Bon. L'être humain meurt sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on vous pose des questions. Puis c'est facile, vous observez quelqu'un à la télévision. Quelqu'un qu'on va interviewer, par exemple. À tout bout de champ, il doit se déconnecter. Regardez le processus, c'est assez simple. Les yeux. Quand un être humain est vivant, il vous regarde. Pourquoi? Parce que l'œil amène de l'information directement au corps astral, donc à l'âme, mais en même temps, ça va informer l'intelligence chez l'humain. Ça permet un contact entre le système planétaire, les corps inférieurs et l'être humain. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que quand on vous pose une question, comme là j'ai posé une question à François, ses deux yeux sont partis de côté. Là, il est allé fouiller dans sa mémoire, puis ses deux yeux sont venus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, l'être humain est bien fait. D'ailleurs, tous les animaux, mais on parle de l'humain. Ça veut dire que le système oculaire, l'œil, c'est la voie par excellence qui amène de l'information planétaire directement à l'âme. C'est la voie qui en amène le plus. Ça passe par le thalamus avant d'aller au cortex, donc ça va être coloré par l'âme. Je vois un arbre, puis dans ma tête, je vois un arbre qui est beau. C'était coloré. Bon. Mais ce qui est important, c'est que ça amène tellement d'informations à l'âme que lorsque je pose une question à un être humain, il doit, lui, pour être capable, vu qu'il n'est pas branché à la vie, il n'est pas branché à l'intelligence instantanée, il n'est pas branché à son esprit, il n'est pas branché à ce que vous voudrez, là, mais il n'est pas branché. Ce qui est important, parce que les mots, il faut s'en servir, il ne faut pas s'obstiner sur les mots. C'est la saveur des mots qui est importante de comprendre. Parce que l'humain n'est pas branché suffisamment, il n'a pas accès, un, aux mémoires akashiques, parce que dans l'éther, c'est dans l'atmosphère, ça, son âge est inscrit. Sinon, il le saurait instantanément, puis il m'aurait dit probablement 928 années. Puis il aurait dit, oups, qu'est-ce que j'ai dit là? Bon. Après ça, il peut rationaliser. Bon. Ce qui est important, c'est que pour aller fouiller, il reçoit tellement d'informations au niveau de son âme, ce que l'humain fait normalement sur la planète ici, il doit fermer les yeux. En fermant les yeux, il coupe l'entrée, ce qui permet à l'ego de tourner, fouiller dans les mémoires volatiles, dans l'expérience, lire l'information, et là, il revient, il rouvre les yeux et il me le dit. Et parce que l'être humain est un être insécure de par ses constitutions psychologiques, quand vous posez une question à quelqu'un ou quand vous en posez une, vous n'osez pas fermer les yeux et ne rien voir. Vous voulez avoir une petite antenne ouverte. Alors, vos yeux vont décoller, c'est-à-dire que vous allez quitter le focus. Donc, vous allez placer vos yeux hors focus, vous allez vous ramasser une vue d'ensemble, mais très, très floue. Ça informe pas trop l'ego, c'est suffisant pour qu'il puisse se déconnecter, ramasser l'information et venir le dire. Une personne à qui je demande, tu me regardes et tu me réponds. À un moment donné, elle me voit flou. Elle va se mettre hors focus, mais sans bouger. C'est les cristallins qui vont commencer à être contrôlés par l'ego. Ça veut dire que l'être humain, et c'est un gros problème, parce que chaque fois, par exemple, vous préparez votre discours, vous allez rencontrer un patron ou un employé pour parler, puis quand c'est le temps d'arriver devant, bien là, ce que j'ai dit, c'est... Bon, il y a toute une panoplie de mécaniques qui vont faire en sorte qu'on maintient l'humain mort, c'est-à-dire pas conscient. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui est en colère, puis après ça, qui dit que ses mots ont dépassé sa parole. Je dis souvent, il était où, dépendant d'abord que ça parlait. La conscience chez l'humain, c'est important. Puis ce qui est important de comprendre, c'est ce qui arrive, c'est que l'humain est régulièrement mort. L'humain est dans la lune, l'initiation lunaire, mais qu'est-ce que c'est la lune? La lune, c'est un astre, un satellite, une roche, un caillou qui flotte. Et puis le soleil est réfléchi sur le petit caillou, fait qu'on peut regarder le soleil sans être aveuglé. Parle donc de lunaire. Tu es dans l'une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas dans la réalité, tu es dans quelque chose de faux. L'être humain est continuellement mort. De ce fait, si je te demande, par exemple, combien y avait-il de moteurs après une fusée Saturne V, les lanceurs des capsules Apollo? Combien il y en avait? 4. Bon. Froncement de sourcils, omnibulation, et finalement, il essaye 4. Entre toi et moi, il y en avait 5, là, en bas, mais 3 en haut. Mais il y en avait 4, il y en avait 8, il y en avait 25, on n'en a rien à faire. Mais l'humain est tout de l'illusion. Mais l'humain est constamment en train de protéger son illusion. Moi, je dis souvent aux séminaristes que si je ne m'étais pas autorisé à dire n'importe quoi au début de mes conférences, je ne serais jamais devenu conférencier. Fallait que je dise n'importe quoi pour commencer. Bon. Parce que ça vide l'eau froide. Puis à un moment donné, tu finis par te connecter suffisamment. L'être humain est mort en permanence. Il suffit juste qu'on pose des questions banales. Je ne vous demanderai pas la couleur de vos bas. Mais juste, par exemple, ton nom, puis les gens partent, ils reviennent. Quel âge as-tu? Pouf, tant d'années. L'humain est mort déjà là. Mais l'humain qui est mort présentement a un avantage. C'est un mort. Ça veut dire qu'il n'y a pas un animal humain ou il n'y a pas un être humain sur la planète Terre qui n'aura pas peur de la mort, à moins qu'il soit conscient, parce qu'il est sûr. Il va dire, je ne suis pas sûr que, mais il est sûr que si son corps de chair l'abandonne, lui n'aura plus rien pour s'expérimenter. Donc, même s'il est vivant, il ne saura pas. Être vivant, tu peux le savoir, ou être mort, tu peux le savoir. L'être humain est mort quotidiennement, continuellement. De temps en temps, vous venez pour prendre une décision, puis vous avez de la difficulté à la prendre, il y a un petit intimement, il y a quelque chose, puis on fuit ça. C'est le gros problème. Pourquoi une personne, je parle souvent avec des enseignants, des enseignantes, quand tu avais 18, 19, 20 ans, disons 23 ans, tu as commencé à enseigner, et il y avait un petit problème qui arrivait. Tu n'avais pas d'expérience. Donc, ta mémoire ne servait à rien. Il y avait ce qu'on t'avait appris à l'école, mais comme si tu arrivais de l'école, tu te rendais compte de ce qu'on t'avait appris à l'école, puis ce que tu avais besoin, c'était pas pareil. Donc, tu ne te servais pas de ce que tu avais appris à l'école. Tu réapprenais sur le temps. Et là, ce qui arrive, il arrive simplement qu'à un moment donné, il y a un jeune qui fait ceci, il y a une personne qui ne comprend pas, lui, il est bizarre, t'invente des façons. Mais pour ce faire, si tu n'es pas vivant, tu es stressé en maudit après. Tu vas voir les voisins, les voisines, tes conjoints, tes conjoints de travail, en tout cas, oui, collègues, parce que je ne suis pas long, c'est tout grave. Mais ce qui est important, donc, à 23 ans, hein, mais progressivement, t'inventes des façons, à 25 ans, tu répètes ce que tu avais inventé il y a 2 ans, ça marche bien ou ça marche moins bien. À 30 ans, ça commence à moins fonctionner, mais t'en innoves de moins en moins. À 40 ans, t'en innoves à peu près plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans ta vie d'enseignant ou d'enseignante, pouf, tu pars, tu meurs, tu peux plus innover, tu peux pas avancer avec la vie. Tu vas voir dans ton expérience, tu reviens avec ça. Et ça, c'est le phénomène du rituel, de l'habitude, de la tradition. La tradition, c'est quand ça fait pas mal longtemps qu'on aurait dû lâcher. Bon. Mais, donc, l'être humain reste mort. Pourquoi l'âme? Parce que c'est l'âme là, qui intervient à ce moment-là, à partir du moment où l'apprentissage rentre, comme ton exemple. L'âme intervient pour empêcher de vivre du nouveau, de vivre de nouvelles expériences. Non, c'est l'âme n'intervient pas pour empêcher, mais elle empêche par son intervention. L'âme empêche, OK. Elle empêche quand même. Mais pourquoi elle empêche? C'est mécanique. Il n'y a pas de raison. C'est un problème que l'humain a souvent. L'humain, il cherche les raisons de pourquoi que Dieu nous a abandonnés, pourquoi que Dieu ne nous a pas abandonnés, pourquoi que Dieu nous a créés. Il n'y a pas de raison. L'humain fonctionne avec des raisons, c'est-à-dire que l'humain rationalise. Exemple, pourquoi tu as décidé d'acheter telle action? Ah ben, parce que là, on va rationaliser notre intuition. En la rationalisant, on va mettre de l'explication. Ça peut être vrai, ça peut être faux, on peut se faire contredire, on peut s'obstiner. Il y a l'âme, un peu comme pourquoi l'aigle a attaqué cet écureuil-là. On appelle ça de l'harmonie. L'aigle volait, l'écureuil grimpait, puis l'aigle plongeait, puis l'écureuil en a perdu la tête. Mais il n'y a pas... pourquoi, tu sais, tu peux nous demander à l'aigle, mais écoute... Non, mais il y a toujours une raison, mais c'est qu'il ne sort pas... De... Il y a une cause, il y a un point de départ, qui est la création d'ailleurs, mais il n'y a pas de raison dans le sens où l'humain veut, ou l'ego. C'est l'ego qui veut des raisons. Puis l'ego voulant des raisons, ça crée un problème parce que quand l'ego... Je vais vous expliquer une chose intéressante pour comprendre les raisons. Un ego... L'ego, il doit vouloir des raisons pour être capable d'en faire le dos. Ouais, mais regarde, capable de te montrer d'autres choses. L'ego, c'est un phénomène pluriconstitué. Ça veut dire qu'il y a une partie ici qui est de la mémoire d'expérience de moment, de la mémoire d'expérience de papa, de la mémoire d'expérience de peur. Fait que la personne qui a une mémoire d'expérience de peur dans son ego aura besoin de l'alimenter. Parce qu'il y a 2 lois qui dirigent l'astral, donc le monde de la mort, les égrégores, les phénomènes divins, ou l'homme. C'est, première loi, c'est devoir s'exprimer pour savoir que ça existe. Dans le cas de l'homme, ça s'exprime dans le biais de son corps. Deuxième loi, s'alimenter pour ne pas mourir. Ça veut dire que sans arrêt, on va tuer la conscience humaine. Pourquoi? Pour qu'elle fuit dans les mémoires pour ne pas mourir. Ça veut dire que si une personne chère est décédée, donc elle est partie, oh, mais dans notre mémoire, elle ne mourra jamais. Mais à un moment donné, veut, veut pas, il va rester les mémoires à l'émotive. Tu te rappelles de la personne, tu n'en souffres plus. Puis ça, c'est d'autres choses. Et à travers la constitution de l'ego, donc une personne qui a une mémoire de peur aura besoin de louer un film d'horreur de temps en temps. Il faudra qu'elle nourrisse la partie peur chez elle. Ou bien elle devra se sevrer de la peur. Mais sinon, si la, la personne, par exemple, elle ne nourrit pas cette partie-là, cette ça fait quoi? Cette partie-là va lentement mourir. Puis ça, c'est souffrant, ça, là? C'est cool. C'est souffrant psychologiquement, psycho-émotivement. Par contre, ça épaissit le périsprit, ça te rend moins manipulable, moins influençable. Tu vois, je suis en train de trouver une raison pourquoi la personne va être obligée de se nourrir. Mais juste avant, tu vas voir ici, et vu que des parties s'est plus reconstituées, à travers chaque ego, il y a des trous qui ne sont pas remplis. Ces trous-là, ça crée une instabilité au niveau de l'ego. Puis l'instabilité au niveau de l'ego crée la recherche, la quête de l'ego. Alors, l'ego va chercher... Ça, ici, c'est ce que l'ego appelle des questions. Okay? Et l'ego recherche quoi? Quelque chose qui rentre là-dedans. Une réponse. Pour se remplir. Oui, pour être bien. Ça le stabilise. Le problème, c'est que quand tu as stabilisé tes trous, puis que tu vis, tu continues à avancer dans la vie, tu ramasses de l'expérience, si tu nourris encore cette partie-là, ça va grossir un peu, il va donc réapparaître un petit trou, tu vis une nouvelle expérience parce que tu vas faire un tour au Bangladesh, bon, et puis progressivement, tu vas recréer des trous, ce qui fait que ta recherche, elle peut se stabiliser, mais elle n'arrêtera pas. Pas tant que c'est le processus de l'ego qui fait avancer ta recherche. L'amour, c'est l'une des énergies les plus malléables. Elle peut combler à peu près toutes les formes de trous. Et l'espoir. Mais l'espoir, évidemment, est toujours sous-tendu par le fait que quelqu'un ou une entité, un extraterrestre, un dieu, un cosmos t'aime. La manière de ce que tu décris, qu'on avance avec ça, ça, c'est de l'évolution, ça. C'est parce que c'est l'ego qui tu sais, c'est lui la locomotive du train, finalement. L'évolution, ce n'est pas de combler l'instabilité. L'évolution, c'est de rajouter de l'expérience. Mais c'est amené par, c'est l'ego pareil qui veut ça. Oui, ben qui veut ça. Ben, qui veut, qui quand, en a besoin. Quand vous avez bien faim après 2 mois de jeûne, c'est-tu vous qui voulez manger? Non, hein? Vous allez manger, par exemple. C'est la mécanique qui attire ça, donc. Bon, mais là, tu disais tout à l'heure plutôt que l'humain, pourquoi l'humain mourait, c'était parce qu'il devait expérimenter. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Remplir l'ego, finalement, aller en quête de mémoriel, remplir de mémoire. C'est qu'au départ, l'humain a vécu... Non, l'humain ne doit pas mourir. C'est une erreur, c'est un accident. On est sur une planète Terre particulière, puis on est totalement mélangé dans notre processus ascensionnel avec des mécaniques évolutionnaires qui sont venues s'implanter, là, quelque temps. Donc, l'humain n'a pas... Il y a énormément de choses que l'humain vit. Comme la souffrance, elle n'appartient pas à l'humain. L'animal, OK, mais à l'instant, ça fait longtemps qu'il y a de l'être humain dans le corps physique, l'humain n'a pas à vivre la souffrance. Ça ne sert à rien. C'est sûr qu'on peut spiritualiser puis dire, moi, j'ai souffert bien gros puis j'ai appris ça, ça, ça, ça. Mais c'est comme je dis souvent, si l'humain va au paradis, avez-vous besoin de survolter la batterie de votre automobile à tous les hivers? Non, hein? Alors, pourquoi vous expérimentez ça sur la planète Terre? Vous ne savez jamais. Au paradis, as-tu besoin d'apprendre à résister à la souffrance de la mort des individus? Ben non, on est immortel. Tu apprends ça pour rien de bon. Puis ce que l'humain expérimente du côté égoïque sur le plan planétaire, ce n'est pas pour lui. L'humain est totalement mélangé. Il y a erreur sur la personne. Oui, mais ça se vit quand même. On vit ça quand même. Là. Oui. Pour arriver à échapper à ça, finalement, pour cesser de mourir, il faut se conscientiser. Ça, tu ne décides pas ça. À un moment donné, tu te fais ramasser par la conscientisation. Puis là, tu chiales, puis tu broutes, puis tu te conscientises. Autrement dit, tu commences à vivre. Ça n'a pas l'air plus drôle que ça. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu as conscientisé vite. Dans ton corps, tu as commencé à vivre. Mais pour la majorité des personnes, ils vont de temps en temps avoir ce qu'ils appellent des illuminations. C'est-à-dire qu'ils vont vivre un petit peu. Ça va les alimenter tellement qu'ils vont être bons pour s'en contenter pour 8, 9, 10, 15, 20 ans. J'ai 2-3 illuminations dans la vie, puis là, ils sont heureux, gavés. Sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'humain va nécessairement rejeter la tradition. La mémoire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon ce qui est là-dedans. Ça veut dire qu'en provenance du système mortuaire, en provenance de la mémoire, ça ne peut pas m'alimenter. La mémoire, l'expérience, les phénomènes des livres, par exemple, des livres sacrés, ça crée quelque chose quand ça vient boucher le trou de l'ego. Bon, toute forme de mémoire, d'expérience, de connaissance, c'est rassurant pour l'ego, ça comble les trous temporairement. Mais à un moment donné, l'humain commence à vibrer ailleurs, au niveau de lui-même. Et là, ce qui provient du passé, ce n'est pas suffisant. Donc, il doit être en résonance vibratoire avec, par exemple, quelque chose que quelqu'un va dire, avec quelque chose que lui-même va dire. Il va être en résonance, il va lire, par exemple, la Bible. Puis en lisant la Bible, il va subitement dire « Oui, ça c'est vrai ». Mais avant, il croyait que c'était vrai. Là, maintenant, il sait que c'est vrai, ou il sait que c'est faux, ou il sait que c'est injuste et coloré. Bon, il va lire le Bar de Tadal, il va lire le Coran, il va lire la Bhagavad Gita, il va lire des livres. Il peut lire la cosmogonie du Rancia, il peut lire, bon, il est en masse, Jonathan Livingston de Goïla. Puis subitement, c'est ça. Mais ça, c'est parce que vibratoirement, là, il est en train d'être initié à ce savoir-là. Donc, il ne le sait pas parce qu'il l'a lu. Il le sait. Là, il est prêt à t'obstiner. Puis si tu lui dis, explique-moi ça, il va être capable de te l'expliquer. La lecture fait juste confirmer qu'il savait. C'est d'ailleurs l'apanage. Révélé. C'est l'apanage du livre sacré. À ce moment-là, il est vivant. Quand il sait, il vibre, c'est parce qu'il est vivant. Oui. Mais au départ, l'être vivant ne le sait pas. Un exemple, vous êtes en pleine relation sexuelle, quand vous arrivez près de petite flamèche d'apothéose, là, et puis subitement, vous dites, « Hey, on est heureux, hein? » ouais. Qu'est-ce que tu disais? Là, tu es mémoriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu constates que tu étais heureux. Donc, tu n'es plus vivant, n'étant plus vivant, tu ne peux plus être là. Puis ça, c'est le processus. C'est que l'humain, ça, c'est le problème de l'ego. L'ego veut absolument participer à la joie. La joie, c'est un bonheur instantané. L'ego, la psychologie humaine, veut participer à l'émancipation. Le gros problème, puis ça, les Zenois, les pratiquants du bouddhisme Zen l'avaient déjà dit, c'est que tu ne peux pas être Dieu puis le savoir. Parce que si tu le sais, c'est que tu le vois. Si tu le vois, c'est que tu n'es pas lui. Et si tu es lui, bien, écoute, si tout est jaune ici, là, allez-vous savoir que c'est jaune? On n'aura même pas d'idée de ce que c'est qu'une couleur. Ça ne sert à rien. Donc, jaune, bleu, le bleu, c'est pas l'inventer, c'est tout est jaune. Parce qu'on a des nuances, bien là, on invente des stratégies. Quand l'humain va devenir vivant, l'humain ne pourra pas se dire « je suis vivant ». Par contre, un être vivant, si on y pose la question, il va pouvoir répondre. Mais lui, il n'aura pas besoin de se le dire, il ne s'arrêtera pas là. S'il se le dit « je pense donc je suis », c'est que je pense donc j'étais. Il est mort. Il a sa conscience. C'est de la mémoire. L'être humain qui se conscientise, ça veut dire que l'être humain est capable de comprendre son corps. Ça veut dire que l'humain est capable... L'être humain qui devient vivant, parce que le vivant ne mourra pas. Bien, le mort ne meurt pas non plus. Il ne change pas d'état. Bon. Sauf que pendant qu'on a la capacité de vivre avec illusion tout le temps, on a la capacité aussi de descendre de l'intelligence à l'intérieur de nous autres. Ça, c'est pas en faisant de la méditation. C'est simplement en vivant. Ça veut dire quoi en vivant? Ça veut dire en travaillant, ça veut dire en se relaxant, ça veut dire en gérant sa vie, ça veut dire en communiquant avec des gens du même calibre que nous, ou supérieurs, s'ils veulent nous entendre. Ça veut dire que l'être humain doit... Vous prenez l'avion. Vous embarquez dans un avion. Là, vous survolez un pays. Puis là, vous regardez en bas, puis là, vous pouvez conscientiser subitement qu'il y a un viol là-bas, un meurtre là, il y a ci, il y a ça. L'être humain est maintenant conscient. Le problème, c'est que quand vous allez descendre en bas, vous allez arriver à l'aéroport, là, la première chose que vous allez dire, c'est « Ah, merde, il pleut encore! » Écoutez, vous êtes sur une planète Terre, il y a autre chose à faire que de se plaindre de la pluie. Il y a quelque chose d'autre, mais là, l'humain est mort. Vu que l'humain est mort, bien, l'humain se fait ramasser, l'humain s'en va, puis l'humain se prend sérieux, puis l'humain chiale. Écoute, t'es bien laid, toi, là. Ah, t'as pas nous, que c'est ça. Ton corps physique va te lâcher dans 50 ans. Il me semble que je m'occuperai d'autres choses que de savoir si je suis beau ou je suis laid. L'humain vivant, ça veut dire, puis c'est pas l'humain. Le gros problème, c'est que l'ego est capable d'imiter l'intelligence. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'ego est capable de jouer le jeu qui est quelqu'un d'intelligent. Mais s'il rencontre quelqu'un d'intelligent, évidemment, ça ne passera pas. Mais l'humain fait ça. Bon, l'ego humain fait ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne descends pas à l'aéroport en disant, bon, je ne chiale pas, parce que ça ne sert à rien de chialer parce qu'il peut. Ça, c'est la même chose que de chialer dès que tu es mort encore. Tu appliques des philosophies. Il mouille pareil. C'est ça. Mmh. Ou encore, tu sors en t'en disant, « Sont-tu niaiseux de chialer parce qu'il pleut? » Tu chiales parce qu'il chiale parce qu'il peut. Tu es mort. C'est ça le problème. La personne qui est de l'ego, l'ego va dire, ça veut dire que quand tu sors de ton avion, là, tu fais quoi? T'es là, puis... Non, sors ton parapluie. Ou tu te fais ami de quelqu'un qui en a un. Tu déambules, ça dépend de la main des aéroports. Tu vois, moi, ces temps-ci, je voyage chez vous dehors. Bon, c'est au Québec. Hein. Mais l'être humain vivant, c'est le gros problème, c'est que l'ego, c'est ce qui est difficile à comprendre souvent parce que l'ego veut participer à l'instantanéité. Comment voulez-vous qu'un phénomène mémoriel participe à l'instantanéité? La photo ne saura jamais que ça existe, qui est sur elle. La photo voudrait faire partie du décor. Oui. Parce que le corps humain peut être vivant, parce que d'après ce que tu décris, finalement, c'est la mémoire du corps qui est entretenu. Est-ce que le fait d'être intelligent et d'être vivant peut faire quelque chose sur le corps? Est-ce que ça peut être utile? Bon, ça premièrement... Ça peut le faire changer. Tu parlais tantôt de l'amener avec toi. C'est quoi qui se passe? Celui-ci, il tient un magasin d'aliments naturels. Parce que plus vous allez vivre longtemps, plus il va pointer le commerce. Longtemps, il est malade. Mais longtemps. C'est ça. Ça, c'est là. C'est une autre forme de médecine. Je conserve longtemps malade. Parce que j'aime te voir. En tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'être humain... Souvent, moi, j'appelle ça le processus du miracle, c'est simplement parce que ça ne fait pas partie de la compréhension actuelle des connaissances humaines, à part dans certaines formes de foi ou de théologie, mais dans la foi et la théologie, tu peux faire des choses, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Bon, il y a évidemment des mécaniques initiatiques plus intéressantes, que tu fais et tu sais. Tu fais très, très, très différent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'humain commence à devenir conscient, quand l'humain commence à habiter son corps physique, sans avoir à travailler, et c'est des résultats secondaires, progressivement, l'humain va désamorcer les bombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience de l'homme finit par être cellularisée. Donc, elle est codée au niveau des structures ADNiques de chacune des cellules. Et progressivement, tout ce qui était codé, encodé là-dedans, finit par tomber. Puis de ce fait, progressivement, l'être humain finit par changer tellement sa structure corporelle. Il y a une mutation qui est régulière, qui se fait sans arrêt. Mais il y a déjà une personne qui avait dit que toute mutation humaine ne peut être que négative. Bon, ça c'est un peu comme les savants, fin 1800, début 1900, qui avaient dit au ministre, au président des États-Unis, au chapitre Koki, donnez plus d'argent pour les sciences, début 1900. Et ça ne vaut plus la peine, tout ce qui avait été inventé, il a probablement déjà été. Là, imaginez la différence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu finis par cellulariser tellement, donc ce que tu es toi finit par prendre possession du corps, tu te mets au monde. Donc, tu renais. Ta génétique change. Oui, physiquement, tu te mets au monde. Mais tu vas être déconnecté de toutes les formes d'engrammes biologiques, biogénétiques ou même astrales qui, normalement, faisaient en sorte que tu devais être uniquement qu'un animal. Puis quand tu as suffisamment reproduit la santé, bien, on t'élimine parce que c'est eux autres qui vont vivre d'une façon différente puis qui vont reproduire et on s'en va comme ça. Ça élimine les bombes aussi, les bombes qui amènent les maladies. Mais dans la renaissance. Oui, mais ça, c'est une stratégie. Mais on. Non, c'est ce qui produit en cours de route. Uniquement quand les mélanges sont bien faits. Quand on entretient les maladies. Mais ça, c'est de la rationalisation. C'est vrai, mais c'est pas important. Si la renaissance n'est pas complète, ça peut déclencher des bombes qui n'étaient pas censées être déclenchées tout de suite, mais qui vont finir par t'anéantir quand même. Si tu ne réussis pas à t'anéantir, qui vont quand même détruire le corps physique. Oui. L'être humain qui est en transition, normalement, vit un paquet de symptômes. Par exemple, des DRS, qui sont des douleurs rétro-sternales, des styles crises de cœur, qui sont paroxystiques, c'est-à-dire que la personne a une attaque. Puis elle peut s'écraser, puis ça part. Si elle va voir un médecin, bon, un cardiologue, on passe un électrocardiogramme, puis il n'y a rien sur l'électrode, sur le QRS, il n'y a rien, tout est normal. Et on peut penser que la personne a des problèmes psychologiques, etc. Il y a des mutations neuroniques qui vont faire en sorte que de temps en temps, le cerveau va revivre des mémoires, pas les tiennes, même si tu n'as jamais eu de crise cardiaque dans ta famille, il y en a eu. Il revit des mémoires, donc les revivant nécessairement, le corps réagit exactement comme si tu le vivais. Il y a tout un paquet de mutations, puis progressivement, il peut même apparaître des formes de pathologies typiques de l'être qui se conscientise. Surtout, c'est l'être qui se conscientise qui se prend au sérieux. Puis, il faut... C'est tellement simple, la vie. Vivant, là, je parle, vivant. Il y a des choses... Bon, par exemple, on dit, dans le niveau des alcooliques anonymes, que ce que tu peux pas changer, là, cesse de rouspéter, puis accepte-le. Bon, l'être conscient va tolérer ça. Il n'acceptera pas, il va le tolérer. Ça veut dire qu'il ne rentrera pas en guerre ou en quête comme quelque chose qu'il ne peut pas changer présentement. Mais ça, une chose certaine, c'est que pour être vivant, pour rester vivant, puis l'être nouveau, l'être conscient, c'est ce qu'il va faire. C'est qu'à un moment donné, on doit passer outre les véhicules planétaires, les véhicules inférieurs. Ça veut dire qu'on doit... on doit être détaché du corps de chair sans s'en foutre. Comme on doit être détaché de l'argent sans s'en foutre, être détaché de la vie sans s'en foutre, le meilleur de savoir vivre, c'est savoir mourir. On doit être détaché de notre automobile sans s'en foutre, détaché de nos enfants, notre mari ou notre femme sans s'en foutre, ou de nos parents sans s'en foutre. Ça veut dire que je ne peux pas, en tant qu'être conscient, considérer que ma vie là, se limite uniquement à mon verre d'eau, puis t'as plus de temps, puis t'as rien que tes cochons. Puis... c'est sûr qu'à un moment donné, énergétiquement, pour supporter mon assiette énergétique, tu ne boiras pas dans mon verre. Mais ce n'est pas une question de verre. Maintenant, l'humain qui te regarde aller va penser, lui, que pour être évolué, il y a tout ce qu'il y a à faire, c'est de t'empêcher le monde de boire dans ton verre. Ça n'a rien à voir. Sauf que l'humain, bon, si, moi j'ai été au Pérou. Et à un moment donné, au Pérou, ben, il y a des individus assez particuliers. Là-bas, on était dans des régions assez sous-développées. Puis ces personnes-là, ben, au Guatemala, une fois, ils m'ont forcé à coucher dans la niche. Dans un hôtel, j'ai couché dans une niche avec les os du chien, puis nos os poignaient le plafond de la niche, puis je dormais de la nuit. Bon. Parce qu'il y avait pis ci, pis ça. Un être conscient ne vit pas ça. Mais un être qui est conscient puis qui vit ça, c'est un être qui est en train d'être en transition. Puis nécessairement, si tu ne te prends pas au sérieux, tu ne peux pas exiger. Tu me crasses dans la niche, après avoir changé de chambre 4-5 fois, puis finalement, je me dis, c'est une belle au plafond. Bon, en tout cas. Je disais, ben, tu relaxes, tu respires, puis tu t'endors, puis de la nuit, je me suis levé, j'ai mis le pied sur un os, et là, je suis sur une niche. Bon. À un moment donné, progressivement, l'être vivant ne vit plus ça, mais c'est pas parce qu'il l'exige. C'est sûr que par sa parole, il va exiger des choses, mais c'est pas la même... L'être conscient va savoir exactement quand ça va être le temps de faire quelque chose. À travers toute sa structure de décision, là, il reste vivant, puis là, il ne meurt plus. Puis quand je parle de ne meurt plus, ça veut dire que le corps physique ne mourra pas. Bonne question. Bonne question. Ah, la majorité des contacts astraux qui ont tendance à éliminer les corps physiques, progressivement, ne veulent pas vous voir la face dans le monde astral. Pourquoi? Parce que tu vas déranger le monde en maudit. Déjà, assez que tu es capable de manipuler des humains alors que tu es barré par leur génétique physique, de les instruire ou d'en rencontrer ou de vivre une petite société, un microcosme, 8-9 maisons quelque part où tu es bien, mais ça sur la planète. Mais dans le monde astral, où les gens sont plus limités par leur corps physique, son expérience rentre là-dedans, elle va se faire un massacre là-dedans. Bon. Autrement dit, on aurait intérêt à envoyer des conscientisés. Oui, mais ça veut dire qu'on pourrait... C'est une théorie, hein? Ça serait vivre ouais, mais... dans le monde de la mort, ça serait finalement vivre comme ici, on serait à travers une chose qui est... Non, tu serais en guerre comme tu as déjà été en guerre sur la planète Terre. Non, mais c'est ça, c'est la même affaire. Oui, tu sortirais ton épée, tu irais pour faire quelques... Bueno. Mais c'est ça. Mais ça, ce qui va arriver, c'est que l'être qui est conscient... Ils ne doivent pas, à ce plan-là de l'astral, ils doivent toutes les forces qu'ils sont capables de mettre en place pour éviter ça doivent être en application. Il me semble qu'on ne devrait pas, nous, dans ce cas-là, en tout cas dans ces plans astraux-là, ils ne devraient pas nous laisser mourir. Justement, on s'arrange pour que tu vives le plus longtemps possible. Assez qu'à un moment donné, puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est sûr que là, en conférence régulière comme ça, et ceux qui ne sont pas venus souvent, on va vite un peu. Soyez télépathes, posez-leur vos questions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain qui se conscientise, non seulement est rejeté par le monde astral, ce qui va faire en sorte que plus ça va aller, tu vas perdre tes amis dans le plan planétaire. Tu peux perdre ton emploi. Ça dépend évidemment du niveau énergétique des gens qui t'entourent, c'est bien évident. Mais dans la majorité, les gens qui vont se conscientiser perdent. Plusieurs deviennent pauvres, ont des misères. Ils ne sont pas pauvres, ils sont sur la corde raide tout le temps. Ils pensent qu'ils sont pauvres, là, mais ils sont stressés, en tout cas. Et puis, progressivement, l'humain qui va finir par être capable de se supporter, le monde astral va s'éloigner de lui. Donc, les personnes qui sont similaires vont commencer à se rejoindre. Ça va créer des alliances. Et l'alliance, ça ne fait pas au niveau du vocabulaire, ça ne fait pas au niveau des caractères cutanés, de la couleur de la peau, ça ne se fait pas à ce niveau-là. Mais il y a des alliances qui vont se créer. Là, déjà, là, l'astral ne veut pas trop que tu meurs. Maintenant, l'autre chose qui est importante, c'est que lorsque l'être humain va être suffisamment en phase de conscientisation, il va se créer une enveloppe autre que l'âme, qui est un double éthérique, c'est-à-dire qui est un double de ce qu'il est, lui, en tant qu'onde de forme consciente. La problématique, c'est que souvent, mais tout le temps, L'humain a besoin qu'on fasse des parallèles pour qu'il puisse égoïquement comprendre. Alors, je vous parlerai d'un troisième cerveau, hein, intuitif, un cartésien, puis un instantané supramental. Supramental, supérieur au plan mental, donc l'humain ne mentalise pas à ce niveau-là. Le mental, c'est un intellect puissant. Lorsque l'être humain va se créer, donc, puis tu ne le crées pas par méditation, tu as juste à vivre un égoïque. Un égoïque, ça veut dire sans égo. Antiquement, on aurait dit humble, mais il y en a plusieurs qui sont modestes qui s'en vantent. Un égoïque veut dire pas d'égo. Donc, si tu vis un égoïquement, tu te crées un deutérique. Ce n'est pas une question de « je veux me créer un deutérique, donc quand on va me piler sur le pied, je ne vais rien dire. » Non, un être conscient, quand on pile, il ne pile pas sur son pied. Mais il n'y a pas besoin. La négoïsation, ce n'est pas le martyr. Ça fait partie de l'évolution, ça, d'être martyr. Hein? J'expliquais souvent qu'un être qui évolue, si je prends une arme à feu puis que je tire à quelqu'un puis j'arrache l'oreille, s'il se concentre puis la restructure, on pense que c'est un maître. Il mérite. Si je viens pour tuer quelqu'un d'autre, mon arme s'enraye, le maître est là. La vision, c'est pas intelligent de vivre des choses comme l'humain vit traditionnellement. La vision humaine qu'on a eue de ça, c'est que c'est ceux qui s'enfermaient dans le monastère pour 35, 40 ans, qui jeûnaient et qui ne parlaient pas à personne. C'est eux autres qui évoluaient. Puis certains changeaient, c'est bien évident que certains changeaient. Pas le choix, mais... C'était très méritoire. Mais c'était fascinant, puis c'est méritoire. C'est martyr. On ne doit plus être martyr. C'est fini. Bon. Et tout ce qui fait partie de la martyrisation planétaire, ça fait partie de la vie de l'animal, même si on est dedans. Et nous, on ne doit pas attacher d'énergie à ça. C'est évident qu'il faut que ça cesse. Puis, bon, tu souffres de ton cancer, il faut qu'on guérisse. Mais l'humain doit être vivant. Progressivement, il va se créer un domotérique. Ça veut dire que si le corps physique l'abandonne, lui, une grosse partie de ce que vous considérez être vous, votre mémoire, va gagner le monde de la mort. Mais l'être humain, la conscience de l'humain ne gagne pas le monde de la mort, elle reste dans le plan moronciel, puis elle va se réincarner en se rappelant totalement ce qu'elle était. Mais c'est quand... est-ce que c'est nécessaire, ça? Parce que c'est... La question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui arrive. Mais est-ce que c'est toujours ça qui va se passer? Est-ce que, dans le futur... Est-ce que c'est pas ça qui se passait avant? On ne s'en rappelait pas. Non. En arrivant. C'est normal parce que l'humain est dissous dans le monde astral. Donc l'humain ne peut pas revenir tel quel. Prends un exemple de spiritualisation des mécaniques. Pourquoi il pleut? Bien, il pleut pour nourrir les plantes qui ont besoin d'eau, puis elles poussent. C'est faux. S'il ne pleuvrait pas, bien, il y aurait un écosystème totalement différent, adapté. Puis là, on dirait, pourquoi il ne pleut pas? Bien, il ne pleut pas parce que ça noierait les plantes qui... C'est ça, le problème de vouloir expliquer, puis pas juste pour toi, je parle, bon, il faut nourrir un peu pour instruire. Mais le problème de vouloir toujours expliquer, c'est qu'à un moment donné, on pense qu'il y a une raison brillante sous-jacente à ça. Et le danger de ça, c'est que quand vous allez manger une claque en pleine face, vous allez être capable de vous expliquer que finalement, c'est bon que vous ayez eu la claque. C'est pas vrai. La personne là, qui a tout perdu pendant le crack de je sais plus quelle année, là, moi, j'ai rien perdu là. Bon, j'avais rien mis. Mais les gens qui ont tout perdu peuvent dire, oui, mais aujourd'hui, là, je me rends compte que je m'en sors renforcé, puis... Oui, franchement. Mais renforcé puis riche, il n'y aura pas eu. Oui, mais ils ont quand même raison, sauf que ce n'était pas nécessaire. Ils ont raison. Non, mais ça a changé quelque chose dans leur... C'est certain que ça a changé de quoi. Exact. Donc, s'ils auraient été riches, ça aurait changé de quoi, puis ça n'aurait pas été pire. Non, c'est parce que d'autres, ils se donnent... Ils ne veulent pas supporter leur malheur. Voilà, supporter le malheur. Oui, c'est important que l'humain comprenne. Il doit cesser de rationaliser les merdes qui lui arrivent. Pourquoi, quand vous traversez un champ de bois, la boîte colle-t-elle à vos pantalons, là où elle n'est pas désirée? Oui, mais... C'est une question mais finalement, fondamentale. Oui, mais ce qui arrive, là, c'est si tu te rends compte que tout ça, c'était pas nécessaire, tu en viens à un moment donné à dire à quoi ça sert de vivre. Là, ça recommence ce cercle-là, cette oui, question-là. Exactement. Puis si tu es suffisamment centré dans ton intelligence... Mais même cette question-là n'a pas plus que exactement, bon va faire partie du même cycle, à quoi ça sert de vivre, je vis. Oui, mais ça va être dans un autre point de vue qui s'est posé. Bien, rendu à ce point de vue-là, il n'y a même plus cette question. Non, mais je parle des personnes qui, eux, les personnes qui justifient, elles, ne sont pas rendues là. Ce que je dis, c'est que... C'est qu'ils ont besoin encore de cette justification. Bon, s'ils ne se protégeraient pas comme ça, ils en viendraient c'est bon, à ça. C'est bon, deux prototypes. Le pour le contre d'un autre, mais... non, mais c'est important. C'est que Charles... est capable aussi. Là, évidemment, les intervieweurs doivent jouer un certain... doivent se connecter quelque part de façon à ce qu'on puisse avoir trois niveaux différents d'interview. Dans le cas de Michel, présentement, il mentalise. Le mentalisateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui ramasse de l'information à travers sa mémoire, et qui va légiférer, c'est-à-dire qu'il va essayer d'appliquer des logiques avec ça, sans acceptation de nouvelles informations qui ne procèdent pas de sa logique. Charles, lui, va intelligencer la mécanique, donc il va être capable de vibrer au-delà du plan mental, c'est-à-dire qu'il ne mentalise pas. Alors, ce qui fait qu'un individu qui mentalise va dire, c'est vrai, pourquoi boire, c'est niaiseux, pourquoi vivre? Dieu, dans son infinie bonté, a créé des aigles pour arracher la tête au bon, puis a créé des hommes pour tuer le chevreuil, puis bon. Pour qu'on mange, etc. C'est niaiseux, il aurait pu nous créer pour qu'on respire, pour t'alimenter. Pas besoin de dormir, pas besoin de faire être parfait. Le mentalisateur va faire ça, le mentalisateur va arriver à un court-circuit à un moment donné où ce qu'effectivement, il n'y a rien qui sert à rien. Et il a raison. Mais énergétiquement, il ne peut pas le supporter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ça que je dis que l'humain doit cesser de rationaliser à un moment donné. Parce que dans la raison, tu as totalement raison planétairement. Énergétiquement, c'est totalement tort, parce que ce qui va répondre à ta question ne se parle pas. Ça se sait. Lui sait, tu sais aussi, mais présentement, tu ne sais pas. Lui sait, toi, tu veux savoir, puis la mentalisation va faire en sorte que, acceptant les prises de conscience escalatoires, tu finis par te rendre compte que finalement l'illusion est là, mais totalement là. Mais le concept de l'illusion de part court-circuiter au niveau du mental, alors qu'à un moment donné, lui va dire des mots, l'énergie, les mots vont être capables de l'alimenter. Toi, c'est l'énergie de mémoire, est alimentée. T'es mort, il est vivant. Quand ça va d'abord? On fait une petite pause, puis après ça.